France Inter. Affaire sensible, la fiction, une série en 4 épisodes, Le Grand Charlatan. Charles comme le prénom, attend comme le verbe attendre. Fiction écrite par François Perrache, réalisée par Cédric Ossir, coordination Christophe Barrère. Dans cette série imaginaire, vous écouterez dans l'émission d'aujourd'hui le 3e épisode, intitulé Le Rappel du 18 juin, et le 4e et dernier, intitulé lui, Le Concours. Dans les 2 premiers épisodes, le président de la République Jourdain est confronté à l'annonce mystérieuse du professeur Latour. Ce dernier, un puissant et riche industriel, a secrètement profané la tombe du général de Gaulle et s'apprête à tenter de ressusciter le grand homme par des technologies combinées de clonage et d'intelligence artificielle. En ce début d'épisode 3, le professeur Latour veut annoncer son projet dans une semaine, le 18 juin. De son côté, le président Jourdain veut lui couper l'herbe sous le pied et entend se présenter comme le seul vrai héritier du général. Après une vaine tentative d'imitation gaullienne, le président demande à son entourage de se plonger dans les racines du gaullisme pour préparer un grand discours, celui du rappel du 18 juin. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Le Grand Charles attend. Une série de François Perrache. Coordination, Christophe Barrère. Réalisation, Cédric Ossir. Si à un moment donné, ce que nous construisons actuellement avec le président de la République, Emmanuel Macron, tout cela échoue, le risque est grand d'avoir des forces politiques qui diront, vous voyez, il faut passer à autre chose. Ce dernier sursaut des institutions n'a pas marché. Donc balayons la cinquième, passons à autre chose. Elle peut mourir d'une absence de sens de l'État, de l'intérêt général, des responsabilités. Elle peut mourir de la crise que provoquerait un président de la République. Je vais vous répondre tout de suite. Je ne vais pas mal, mais rassurez-vous, un jour je ne manquerai pas de mourir. Troisième épisode. Le rappel du 18 juin. Allez, allez, on lâche pas. Dernier kilomètre. J'en peux plus. Ferme-la. Eh oh. Je veux rien entendre à part le bruit de ta respiration et de ce putain de vélo elliptique. Mais... La ferme, garde ton oxygène. Je vais te faire pédaler jusqu'à ce que tu craches tes poumons, sale petit tas de merde. Colonel, je suis quand même le chef des armées. Il n'y a pas de chef des armées ici. Je vois rien qu'une lavette, t'as même pas fait son service militaire. C'est quand même moi qui ai créé le service national universel. Pédale ! Hein ? Pédale ! Qu'est-ce qui t'a dit d'arrêter de pédaler ? Pardon. Et maintenant, réponds-moi. Est-ce que tu veux rester une carpette au service des syndicats, des lobbies et des banques toute ta vie ? Ou est-ce que tu veux devenir un chef ? Un chef d'État ? Oui. Oui, qui ? Pédia. Tu te fous de ma gueule, Troufion ? Non, non. Oui, qui ? Oui, colonel. J'entends rien. Oui, colonel. Pédale. Fais quoi ? Courage, Claude. Et désolé, mon petit Charles de Gaulin, je vais essayer de pas te faire mal. Si tout va bien dans une heure, tu seras le veau le plus intelligent de la Ve République. Oh, pourquoi ? Pourquoi ? J'ai voulu faire de la bio. Oh. Allez, le protocole, suis le protocole. D'abord, sortir le... Oh non. Oh, le cerveau du général. Charles ? Oh non. Non. Charles de Gaulle ? Charles de Gaulle ! Charlie. Oui, c'est pas mal comme nom. Il faut déjà qu'il fonctionne, votre système. Allons-y, Antoine. J'espère que vous ne me faites pas perdre mon temps. Donc, vous me faites une démonstration probante, maintenant, ou vous sortez de mon bureau. Bien sûr, pardon, professeur. Alors, voilà. Bon, jusqu'à maintenant, j'ai alimenté Charlie à partir de textes écrits, hein, trouvés sur différentes bases de données. J'ai notamment intégré tous les textes que j'ai trouvés du général de Gaulle. Mais ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est que Charlie peut maintenant apprendre à partir d'un simple enregistrement de voix. Donc on pourra alimenter Charlie avec des enregistrements du général. À terme, oui. Mais reste la question de la qualité de l'enregistrement. Donc là, pour la démonstration, j'ai pris en exemple une vieille interview d'un candidat à la présidentielle qui dit en l'occurrence que l'impôt sur la fortune n'est pas une bonne idée parce que c'est confiscatoire. Bon, je lance. Autant il est normal d'avoir une progressivité. Alors Charlie analyse en parallèle le fond du discours. Au-delà de 40%. Mais autrement, l'image de taux confiscatoire sur une toute petite fraction des contribuables n'aura aucun... Il analyse la voix de l'orateur avec toutes ses intonations, ses modulations, etc. Il ne produira aucune recette. Vous avez peur pour Madame Bettencourt. Et même plusieurs voix. Je préfère qu'elle paye ses impôts en France. Bon, j'arrête là, ça devrait suffire pour Charlie. Et à partir de ce seul enregistrement sonore, Charlie peut faire dire à l'orateur ce qu'on veut, comme on veut. C'est-à-dire ? Je peux par exemple faire dire à l'orateur l'inverse de ce qu'il vient de dire. Non. Ah si, regardez. Je repars du fichier son original. Quand il dit que l'ISF n'est pas efficace, hein, je mets juste un signe moins à la place du signe plus. Voilà. Et c'est inversé. Et en passant, je peux modifier l'ambiance sonore, hein, qu'on ait l'impression qu'il soit plutôt en interview télé. Et pour le journaliste, je peux mettre une femme à la place de l'homme. Et ça donne un truc comme ça. Quel taux d'imposition à l'entreprise ? Et donc, j'ai considéré, et j'en fais ici l'annonce, que pour au-dessus de 1 million d'euros par mois, eh bien, le taux d'imposition devrait être de 75%. Incroyable ! Et donc, on va pouvoir faire dire à De Gaulle ce qu'on veut. Incroyable. Bravo, Antoine. On est bientôt prêt. Je serai jamais prêt, le 18. Je serai jamais à la hauteur du général. Mais si ! Mais qu'est-ce que vous avez tous à vouloir le ressusciter ? Il vaudrait mieux le tuer une deuxième fois. Oh ! Oui, tuer le père, une fois pour toutes. Oh, touche-moi, chérie, on va t'entendre. Mais je m'en fous. Que tout le monde m'entende. Crève, De Gaulle. Crève ! Crève ! Chérie, il est déjà mort. Eh ben, qu'il remeure. Parce que tu crois que je les vois pas, tous ceux qui passent dans ce bureau, assis en face de moi, qui me regardent, puis qui jettent un coup d'œil discret à la photo du grand con. Chérie. Et puis qui me regardent à nouveau, avec leur sourire en coin, qui dit doucement « T'es pas à la hauteur, Jourdain. T'es un nain, Jourdain. » Chérie, tu te fais du mal. Et ma seule consolation, c'est de me dire que, tous autant qu'ils sont, ils sont encore plus nuls que moi. En tout cas, je sais comment je vais finir mon discours. Crève, De Gaulle. Crève la République. Et crève la France. Alors, on nous dit clic, comment ça s'appelle? Click and collect. Click and collect, Black Friday. Non, mais maintenant, on va parler anglais? Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est pas anodin. Click and collect, Black Friday. Mais c'est ridicule. Pourquoi c'est ridicule? Parce que derrière, c'est Amazon. Et ça, personne ne le dit. C'est-à-dire, revenons au général de Gaulle, est-ce que le général de Gaulle aurait livré la France à Amazon? Oui, sauf que je comprends toujours pas ces deux lignes de code. Là, Antoine, ça peut pas marcher avec ce paramètre. Si, professeur, parce que dans ma PLS, j'ai déjà un normalizer. Ah, ok. Je comprenais pas. Dans la PLS, malin. Donc là, je pense que ça fonctionne. On va bien voir, ou plutôt entendre. Essayons là cette commande vocale. Alors oui, professeur, je dois juste activer le micro. Je lance l'exécution et je vous laisse essayer. Donc, parlez bien fort là dans le micro, s'il vous plaît. J'y vais. Ok, Charlie. Ça marche. Charlie, comment faire pour sauver la France ? Je vous ai compris. Dans son ouvrage « Comment sauver la France pour une Europe des nations avec la Russie », Marc Rousset propose de développer des stratégies de sécurité commune adaptées à la préservation de la paix et de l'intégrité territoriale en Europe et d'accroître la coopération avec la Russie. Ouais, c'est pas encore tout à fait... Ouais, là, c'est-à-dire que Charlie a dû tomber sur un livre dont le titre correspond exactement à la question posée. Mais il peut pas être plus intelligent que les auteurs qu'il cite. Ça viendra. Ça doit être notre objectif. Mais cette voix, c'est sinistre, non ? Ah ça, je peux le corriger tout de suite. Je peux même donner à Charlie votre voix, professeur. Ah oui ? Eh oui. J'ai encore amélioré le truc. Je mets Charlie en mode enregistrement. Et il suffit que vous lisiez une seule phrase, un peu longue, bien dans le micro. Ah oui. Oui. Faire de Charlie un être supérieur qui aurait ma voix et les intelligences combinées du général de Gaulle et de moi. Le meilleur de la science et le meilleur de la politique. Charlie, la fusion du professeur Latour et du général de Gaulle. Le général Latour. Mais Charlie doit rester sous contrôle, il doit rester ma création, ma créature. Et voilà, Charlie a désormais votre voix, professeur. Il est votre double. Vous voulez essayer ? Ok, Charlie. Dis-moi, Charlie, est-ce que tu crois que tu vas bientôt remplacer le président Jourdain ? Je vous ai compris. Incroyable ! Inouï ! On dirait moi. C'est vous. Je vous ai compris. Oui. Ben maintenant, réponds-nous, Charlie. Je vous ai compris. Qu'est-ce qui se passe ? Alors là, je ne sais pas, professeur. Je vous ai compris. C'est peut-être parce que vous avez répété, Charlie. Je vous ai compris. J'ai l'impression que vous l'avez fait bugger. Hein. Je vous ai compris. Ça va être de ma faute. Je vous ai compris. Je vous ai compris. Je vous ai compris. Charles de Gaulle est mort. Depuis 1970, merci, on est au courant. Non, j'ai tué Charles de Gaulle. Quoi ? Antoine, arrêtez-moi ce machin. J'essaye, professeur, j'essaye. J'ai ouvert la tête et quand j'ai vu son cerveau, j'ai... Le cerveau du général ? Non, de Charles de Gaulle. C'est après, en voyant son cerveau, que ça m'a donné envie de vomir. Alors, en cherchant une bassine, j'ai renversé le bocal qui contenait le cerveau de Gaulle. Charles ? Non, enfin si... Le général s'appelait comme mon veau. Bon, je reboot le système. Disconnecté. Ah, c'est pas trop tôt. Je remets l'ancien Chloé, je comprends rien à ce que vous dites. J'étais en train de préparer la greffe de cerveau. J'ai commencé à opérer Charles de Gaulle. Le veau ? Mais oui, c'est horrible. J'ai cassé le bocal avec le cerveau de Gaulle. Quoi ? Et Charles de Gaulle est mort pendant l'opération. Quoi ? Mais c'est pas vrai ! Si. Je l'ai tué. C'est ma faute, je l'ai tué. C'est une belle mort, Chloé. Ton Charles de Gaulle, il est mort pour la science, alors que l'autre, il est mort bêtement en jouant aux cartes. C'est une catastrophe. On sera jamais prêt pour le 18 juin. Charlie plante complètement et on a perdu le cerveau de Charles de Gaulle. Non, il est mort, mais son cerveau, il est toujours sur la table d'opération, dans sa tête. Ouais. Sa jolie petite tête frisée. On a perdu le cerveau du général. Je m'en fous du veau. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'un cerveau de veau ? Française, Français, le général de Gaulle est mort. La France est veuve. Quoi ? Ça va, monsieur le président ? J'ai cru vous entendre crier crève, crève. Vous étiez en ligne avec Matignon ? Les Français sont des veaux. Comment ? Le président a un petit moral, Jacques. La chienlit. Bon. Qu'est-ce que vous voulez, Jacques ? En parallèle de la rédaction du discours lui-même pour le 18, auquel je mets la dernière main, je pensais présenter quelques idées à monsieur le président en matière d'organisation et de communication, mais il me semble que le point pratique le plus important est de bien choisir le lieu depuis lequel monsieur le président fera son intervention. Ce doit être un lieu hautement symbolique. J'ai d'abord pensé à un non-lieu, en quelque sorte. Dans notre monde, à brevet d'image, une intervention du président purement sonore serait paradoxalement assez novatrice. Un discours à la radio ? Oui, ça permettrait une évocation formelle de l'appel mythique du général depuis les locaux de la BBC à Londres. Et on résoudrait la question du costume, de la gestuelle. La radio permettrait à chacun de nos concitoyens de projeter sa propre image. Et qu'en dites-vous, Madame Jourdain? C'est débile, Jacques. Complètement con comme idée. Plus personne n'écoute la radio. Et puis évoquer un non-lieu, hein, avec tous les procès auxquels mon mari a échappé. C'est quoi les autres pistes? Non, l'évidence, bien sûr, serait une vidéo sur les réseaux sociaux. Mais le professeur Latour est malheureusement loin devant nous sur ce terrain. Donc? Créer l'événement. À l'ancienne, en quelque sorte. Un discours public, sans notes, devant une foule, la plus grande possible, et la plus acquise possible à la cause du président. Va falloir filtrer les accès. Un discours dans l'espace public, mais où? Une ville moyenne serait l'idéal. Non, Jacques, vous savez très bien que mon mari déteste la province. Non, non, non, Jacques, une ville moyenne. Pourquoi pas la campagne? Et la réunion publique, je suis pas pour. Il faut slalomer entre les œufs et les pavés et les baffes. Il faut serrer des mains, ne serait-ce que sur le plan de l'hygiène. Non, non, non. Non, il faut rester à Paris. Ah, mais... Et pourquoi on ferait pas ça à Notre-Dame? Hein? Hein, chérie? Ça te ferait plaisir de retourner à Notre-Dame? On pourrait même relancer l'idée de changer la flèche à partir des jolis dessins qu'avait fait mon petit neveu. Si je peux me permettre... Je déteste quand vous commencez une phrase comme ça, Jacques. Je sens que vous allez essayer de me contredire. Ça va me contrarier. Bon, disons que si vous voulez faire ça dans Paris, j'aurais une contre-proposition. Plus laïque. Et on pourrait même faire un repérage discret, dès ce soir, à la nuit tombée. Regardez les numéros qui sont sortis ce soir. Il vous fallait jouer le 16. Le 8. Le 7. Le 40. Le 19. Le 27. Et en numéro complémentaire, le 44. Tenez. Monsieur le Président, je profite du trajet pour vous faire lire le projet de discours que je vous ai préparé. Il n'y a que deux feuilles? J'ai fait court et percutant. D'autant qu'il faut que vous l'appreniez par cœur. C'est très bien. Maintenant, les gens ont la capacité d'attention d'un poisson rouge. Passez-moi ça, Jacques. Non, mais... Je vais le relire. Non, mais... Autant que je le corrige avant, si tu dois l'apprendre par cœur, j'étais journaliste. C'est mon métier, l'orthographe. Il y a d'éventuelles coquilles, Madame Jourdain, mais il faudrait surtout valider le fond. Bah ah oui, deux pages, ça va aller vite. Pendant ce temps, Jacques, racontez au président la bonne idée dont vous m'avez parlé. Ah oui, et avant ça, Monsieur le Président, je commencerai par une excellente nouvelle qui, je pense, va définitivement vous remonter le moral. Je l'ai ici. Vous allez rire. Article 44. Les membres du Parlement et du gouvernement ont le droit d'amendement... Après l'ouverture du débat, le gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission. Mais le clou du spectacle, j'en ris encore, si le gouvernement le demande, l'Assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le gouvernement. Non. 44, 47, 49, c'est plus un dalloz, Jacques. C'est le tirage du loto. On y passera tous les numéros d'articles s'il le faut, mais ils arrêteront de m'emmerder. Bon, c'est quoi votre bonne idée? Outre le discours, qui sera le moment fort, il faut des actions symboliques, Monsieur le Président, qui évoquent subtilement l'action et l'aura du général de Gaulle. J'avais d'abord pensé à plusieurs idées que Madame Jourdain a malheureusement écartées. L'organisation d'un faux attentat dans l'esprit du petit Clamart. Mais il y a le fâcheux précédent du faux attentat de l'Observatoire par le président Mitran. Par ailleurs, j'ai également dû renoncer à une très belle idée. Belle, du moins, dans son principe. Trouver un équivalent contemporain au célébrissime « Vive le Québec libre ». J'avais imaginé que vous puissiez vous exclamer « Vive Taïwan libre ». Mais Madame Jourdain m'a rappelé que notre pays ne tiendrait qu'une petite dizaine de minutes en cas d'attaque militaire chinoise. Peut-être une semaine s'ils viennent à pied. Et donc, c'est quoi votre grande idée? Le Conseil National de la Résistance. Le CNR. La grande œuvre du général qui a posé toutes les fondations. EDF, la Sécu, la plupart des acquis sociaux. Tout ça, c'est le CNR. Alors nous, on invente... un machin, hein, un ministère, un organisme, n'importe quoi. Et on l'appelle... Le CNR? C'est c'est un peu gros quand même. C'est pas à vous que je vais apprendre qu'avec les Français, plus c'est gros... Quand même, je veux bien les prendre pour des cons, mais ça va finir par se voir. Il ne faut pas prendre les Français pour des cons, monsieur le Président. Mais il faut jamais oublier qu'ils le sont. On est arrivé, monsieur le Président. Évidemment, il faudrait le voir de jour, mais au moins à cette heure-là, on ne craint pas de subir une émeute. Pas mal, pas mal. Un peu chargé comme façade, non? Les tourelles, le clocher. Pour un discours de présidence, ça fait pas un peu ancien régime? Je crois qu'au fond, les Français n'ont jamais voulu la mort du roi. Et vous vouliez un lieu parisien? On fait difficilement plus... Jacques? Oui, madame Jourdain? Un problème? Alors, bravo, il n'y a pas de coquille, on est sur un bon niveau de rédaction de CM2, mais c'est nul. Nul? Si, si, Jacques, à chier. Nul, à chier. Alors, je voudrais vous dire, chers compatriotes, qu'on a reçu un coup de pied au derrière, mais que c'est pas parce que vous voulez renverser la table que vous descendez de la voiture, dont vous vous abstenez de choisir le chauffeur. Qu'est-ce que c'est que ce camoulox, hein? Regardez ce que j'en fais de votre discours. Des rouleaux. Hein? On comprend rien. Mais quand je dis rien... Et je comprends plus, mon mari, il est de gauche ou il est de droite? Ou les deux? Parce que là, à force de s'inspirer du général... C'est-à-dire que même du vivant du général, roi de gauche, c'était difficile à suivre. Ben, il était quand même très... Non? Oui, mais en même temps... En même temps? Entre les gaullistes sociaux et le programme du RPF, c'est le grand écart. Comme entre la loi Neuwirth sur la pilule et la gestion de mai 68. Le général disait, la France, c'est pas la gauche, la France, c'est pas la droite. Enfin, Jacques, entre nous, on sait très bien que quand on est ni de droite ni de gauche, c'est qu'on le est... Le problème, Jacques, c'est que dans votre torchon, mon mari, à force d'être ni de gauche ni de droite, il est nulle part. Donc c'est pas des robots qu'il faut faire, c'est des confettis. Capables. On est à 3 jours du 18 juin et on n'a ni discours, ni lieu pour le faire. Si. Ici. Oui, c'est un peu chargé, mais c'est bien. Ah oui? Votre idée, Jacques, c'est bien que mon mari, il fasse son discours au balcon de l'hôtel de ville. Ben oui, c'est pour ça qu'on est là, madame Jourdain. D'accord. Maintenant, regardez autour de vous. Regardez autour de vous. Oui. Et? Et? Le général, en serrant la main, m'a dit... Il paraît que ces messieurs du Conseil National de la Résistance se plaignent de ce que je n'ai point déféré à leur souhait qui était de m'entendre proclamer la République du balcon de l'hôtel de ville. Avez-vous entendu parler de ça? Non, mon général, j'avais d'autres occupations à ce moment-là. Eh bien, il y avait 2 raisons à ne pas le faire. Voyez-vous lesquelles? Mon général, j'en vois une. Vous étiez arrivé à Paris, la France continuait. Pourquoi proclamer la République? Il y a ça, m'a-t-il dit. Mais il y en a une autre. La voyez-vous? Non, mon général. Eh bien, allez donc faire un petit tour place de l'hôtel de ville et vous constaterez que cet édifice ne présente aucun balcon. Forcez-vous, Chloé. Oh non, non. Je sais pas comment vous faites pour... Franchement, avec la sauce, Charles de Gaulle, il passe hyper bien. Hein. Nom de Dieu. Un problème, professeur? Ou une solution? Un SMS de l'Élysée, du président lui-même. Qu'est-ce qu'il veut? Cher professeur. Cher? Le 18 juin approche. Ne croyez-vous pas qu'il serait judicieux et utile au pays que nous nous rencontrions? Depuis quand est-ce qu'il se soucie du pays? Peut-être pourrions-nous trouver un accord. Je vous propose de nous rencontrer à l'Élysée dès demain. Merci de rappeler mon secrétariat particulier. Bonne soirée, NJ. Et vous allez dire oui? Certainement pas au château. Et certainement pas avec tous ces conseillers. On se verra en terrain neutre pour une conversation d'homme à homme. Je vais lui proposer une garde banlieue discrète. Vous voulez lui proposer un accord? Ça pourrait être une porte de sortie pour nous aussi, si on n'a plus rien à annoncer le 18. Faut gagner du temps. Je vais lui laisser croire qu'on est prêt et j'en profiterai pour savoir ce qu'il trame de son côté. Ça va être très intéressant, un petit tête-à-tête avec le président. Juste lui et moi. Et c'est parfait, une gare. C'est un lieu où il y a des gens qui, comme moi, réussissent. Et des gens qui ne sont... Qui ne sont ? France Inter. Affaires sensibles. Le grand Charles attend. Une série de François Perrache. Coordination, Christophe Barrère. Réalisation, Cédric Ossier. Je vous ai compris. De Gaulle nous dit que la France est forte quand elle sait son destin, quand elle se tient unie, qu'elle cherche la voie de la cohésion au nom d'une certaine idée de la France qui nous rassemble par-delà les discordes alors devenus accessoires et les désaccords souvent trop vétilleux. Colonel, général, chef de la France libre, président de la République, Charles de Gaulle incarne cette résolution, cette force d'agir, cet esprit français. L'événement de la semaine, c'était évidemment l'intervention d'Emmanuel Macron dans le 13h mercredi. Vous l'avez trouvé comment, vous ? Je l'ai trouvé gaullien, moi. Parce que De Gaulle, c'était bien sûr... Macron nous a compris, c'est ce qu'il nous a dit. En fait, De Gaulle, il avait dit « Je vous ai compris ouais. ». Mais Macron, il va plus loin. Macron, il dit « Je vous ai compris !» Mais je m'en branle, vous voyez ? Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière. Quatrième épisode. Le concours. Ne perdons pas de temps, il est tard et demain matin, comme vous le savez, j'ai une annonce à préparer. Qu'est-ce que vous proposez ? Un accord. Plutôt que de faire votre truc dans votre coin, allions nos forces. Quelle force ? L'Élysée, combien de divisions ? La puissance économique, la seule vraie puissance alliée au ministère du Verbe. Je sais ce que vous manigancez. Bluff. Depuis le début. Bluff. Votre petite escapade nocturne au cimetière de Colombey. Ah ! Je pourrais vous dénoncer. Ce n'est pas bien de s'en prendre au général de Gaulle. Les Français ne vont pas aimer. Les menaces maintenant. Bluff. Ah oui ? Vous ne le ferez pas. Et vous savez pourquoi ? Parce que vous l'auriez déjà fait. Ah ! Et vous savez pourquoi vous ne l'avez pas fait ? Parce que, à la tête de mes réseaux, et vous le savez très bien, je suis beaucoup plus puissant médiatiquement, donc politiquement, que vous et tous les journaleux à votre botte qui voudront bien relayer de telles calomnies. C'est la vérité. Vous avez profané cette tombe. Vous avez des preuves ? Des images ? De la vidéosurveillance ? Vidéoprotection, pardon. C'est comme ça qu'on dit maintenant, non ? Rien. Vous avez les mains vides, monsieur le président. Vides et moites. C'est pour ça que vous êtes là. La peur. Le roi est nu, et quand bien même vous auriez des images, la vérité, les fake news, la vérité, ça se fabrique. C'est pas à un homme politique que je vais apprendre les bases du métier. Vous croyez sérieusement que vous pouvez me remplacer par un logiciel d'intelligence artificielle ? C'est déjà fait. Je suis prêt. L'heure est venue. Et c'est vous qui avez ouvert la voie. Vous et vos prédécesseurs. C'est vous qui m'avez tracé le chemin avec votre parti de la raison. C'est vous et tous vos prédécesseurs qui avez ouvert la voie. Avec votre logique comptable, vos tableaux de bord et vos statistiques. tous des gestionnaires et des épiciers. Des épiciers avec parfois, je le reconnais, un petit vernis mal digéré d'histoire de France et de philosophie politique. C'est vous qui avez amené ce triomphe de l'intelligence artificielle en fonctionnant comme des machines. Des machines imparfaites. Mes machines, elles, fonctionnent à merveille. Et elles seront bientôt plus humaines que vous. Vous êtes un grand malade. Et pourquoi vous avez accepté de me voir ? Pour vous voir. Vous voir dans la nudité de votre être. Vous voir loin des caméras, de vos gardes-chourmes et des sourires serviles de vos collaborateurs. Quel mot ! Voir vos yeux, voir la peur dans vos yeux. Il n'y a aucun accord à trouver. Demain, installez-vous devant votre écran et écoutez-moi attentivement. Car vous dirigez le pays pour quelque temps encore, monsieur le résident de la République. Mais moi, d'ores et déjà, je règne. Oui. Merde, professeur. 5, 4, 3. Françaises, Français, en ce 18 juin, vous êtes plus de 10 millions à vous connecter. Et je vous remercie d'avoir répondu à mon appel. Je serai bref. Je ne reviendrai pas sur le chaos et le déclin que connaît notre pays. La crise est là, permanente, et le pays est devenu ingouvernable. Combien de fois avons-nous entendu qu'il nous faudrait un nouveau général de Gaulle. Vous l'aurez compris, en ce 18 juin, c'est le défi que Babel Tower va relever avec vous tous. J'annonce donc, aujourd'hui, le lancement de notre concours « Où est Charlie ?» qui se déroulera en 2 tours. Premier tour. Dès aujourd'hui et pendant 1 semaine, toutes les ressources informatiques de Babel Tower vont tourner à plein régime pour déployer nos dernières innovations en matière d'intelligence artificielle. Nos équipes vont analyser l'ensemble des contenus écrits, audio et vidéo, de toutes les personnalités, quel que soit leur bord politique, qui prétendent diriger notre pays. Ces données, triées, analysées et quantifiées, seront comparées aux discours et textes de Charles de Gaulle pour déterminer lequel de ces candidats à la magistrature suprême en est le digne successeur. Dans 1 semaine, ici même, dans ce studio, j'accueillerai donc celui ou celle qui aura été identifié sur ses bases objectives et scientifiques pour organiser un grand débat. Ce débat constituera le second tour de notre concours « Où est Charlie ?». Il opposera le gagnant du premier tour à l'intelligence artificielle développée par Babel Tower. Par correction républicaine, nous inviterons également le président Jourdain à participer à cette compétition. Et c'est vous qui, à l'issue du débat, choisirez par un simple clic qui est le digne héritier du général. Un retour aux fondamentaux de notre Constitution et de notre démocratie, par un choix du peuple, par le peuple, pour le peuple. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour que vive la France. Coupé ! Bravo, professeur ! Dingue ! Ça s'est encore monté pendant votre discours, là. 12 millions, bientôt 13. Et les likes qui explosent. Activez immédiatement les serveurs d'analyse. Tout de suite, professeur. J'espère qu'on trouvera un bon candidat pour le débat face à Jourdain. Ou une bonne candidate. Et si personne n'est au niveau, je me dévouerai. Je ferai à la France le don de ma personne. Comment ? Pas d'inquiétude, Chloé, pour la succession du général. Je crains plus la pléthore de candidats que la pénurie. Le bal des prétendants est ouvert. Vous savez, je crois que les Français feront la différence entre ceux qui, depuis des années, instrumentalisent le gaullisme et ceux qui, sincèrement, viennent tous les ans ici et qui aspire pour notre pays à une autre vie politique. Permettez-moi de le citer encore une fois. Si la France m'a appelé à lui servir de guide, ce n'est certes pas pour présider à son sommeil. Je veux dire, c'est le général de Gaulle. Faire ce qu'il y a à faire. Dans notre pays, dire ce qu'il y a à dire, ça va assez facilement. Faire ce qu'il y a à faire, voilà la première leçon du général de Gaulle. Il y avait chez le général de Gaulle une vision de la France, de sa liberté, de sa souveraineté, qui aujourd'hui a été totalement bradée, et dont les seuls encore qui soient sur la classe, dans la classe politique susceptibles de défendre cette liberté et sa souveraineté, en grande partie, c'est évidemment le Front National. Dominique Schnapper, ancienne membre du Conseil constitutionnel, politologue et sociologue. Et je crois qu'il faut revenir à la formule « tout le monde a été gaulliste à un moment donné ». Les uns en 1940, ils n'étaient pas très nombreux. Au cours des années de 40 à 45, de plus en plus nombreux. Puis, tout le monde a été gaulliste au moment de la libération. Et nous tous, nous l'avons été à un moment donné. Le général de Gaulle est entré dans ma vie en même temps qu'il entrait dans l'histoire alors que j'abordais l'âge d'homme. Je n'ai pas partagé, on le sait, ses choix politiques des années suivantes. Et j'ai tenu à honneur de l'affirmer clairement. Le général de Gaulle ne méritait pas de tiédeur, surtout quand on le combattait. Aujourd'hui, je pense, dans le recueillement, à cet homme et à son destin. Ils ont de quoi faire méditer les Français. On ne peut pas aimer la France plus qu'il ne l'a aimée. Il a l'initio, yo un antigolista primitivo, casi animal. Avanzando en edad y en experiencia, me convirtió a una admiración muy cierta de su fuerza, de su coraje personal, de su tendresse, no sé cómo se dice, la tendresse. Oui, de Gaulle n'aimait pas les hommes politiques, c'est bien connu. Et Frey lui dit un jour, vous savez, l'OAS, elle pourrait même en arriver à assassiner au moins 50 députés UNR. Et Frey espérait convaincre de Gaulle. Et de Gaulle lui répond, qu'importe Frey, pourvu qu'il soit bien choisi. Et ça, c'est vraiment une réplique terrible, n'est-ce pas ? Et en même temps, le public est toujours plus ou moins anti-parlementaire. Il paraît, mes amis, que c'est un tic de langage. Mais c'est un type de langage qui voudrait dire que je ne suis pas clair, que je serai flou. Eh bien, je veux vous affirmer ce soir, je continuerai à utiliser en même temps. Ça veut dire que oui, je choisis la liberté et l'égalité. Je choisis comme le général de Gaulle, le meilleur de la gauche et le meilleur de la droite et même le meilleur du centre. Bengel ! Je veux que t'entendes jusqu'à la fin de l'exercice. Pédale et réponds-moi. Est-ce que tu veux devenir un homme, un vrai, comme moi ? Mais vous êtes... Confiant ! Est-ce que tu es prêt à te battre ? Oui. Demain, c'est le débat avec le professeur Latour. Oui. C'est un con ! Oui. Quoi ? Oui, colonel. C'est un con. Combat ! Combat ! Demain, c'est un combat ! Oui, c'est un combat ! On est là pour faire de toi un vrai sol ! Non ! J'entends rien ! On est là pour faire de toi un vrai sol ! Non ! Nous sommes en guerre ! Nous sommes en guerre ! Plus fort ! Nous sommes en guerre ! Nous sommes en guerre ! Plus fort ! Nous sommes en... guerre ! On arrive dans quelques minutes, monsieur le président. Le débat doit débuter à 20h. Vous aurez un bon quart d'heure pour vous reposer en loge, pour revoir vos notes. Et te faire maquiller, t'es tout pâle, chérie, ça va ? Je le sens pas, ce débat. J'aurais pas dû accepter. Son histoire de concours, c'est un piège. Comme par hasard, je me trouve seul face à sa machine. Vous pouviez difficilement vous dérober, monsieur le président. Il nous mène en bateau. Déjà, débattre contre une intelligence artificielle, mais en plus, faire ça chez lui. On n'avait pas le choix. Il fallait venir sur son terrain. Ce qui nous intéresse, c'est son audience. On attend près de 20 millions de Français devant leur écran. C'est presque 10 fois plus que pendant vos vœux. Ouais, j'ai l'impression de faire le tapin. C'est pas du niveau d'un président de venir faire le malin sur les réseaux. On n'aurait jamais dû accepter qu'il anime le débat lui-même. On est sur son terrain. Il fixe les règles du jeu. Tu vas très bien t'en sortir, chérie. Hein ? Tu vas les bouffer tout cru. Cholatour et son Charlie. Charlot, oui. Charlatan. Je le hais, ce type. Dites-moi, Jacques, elles sont où, mais... C'est moi qui les ai, monsieur le président. J'ai fait synthétique et j'ai écrit gros. Trois fiches pour trois thématiques. À marteler. Oui, oui, oui, faut faire simple. Ils sont tellement cons. Alors, l'idée, à chaque fois, c'est de reprendre le diagnostic du professeur Latour, mais de retourner ses arguments contre lui. Première fiche, premier thème, le sauveur. Il faut un sauveur à la France. On ne peut pas confier notre destin national à une machine, hein, susceptible de tomber en panne, d'être hackée et instrumentalisée par les Chinois ou les Russes, ou les deux. Il faut une incarnation du pouvoir. Et une machine ne peut évidemment rien incarner. Seul vous, monsieur le président... L'État, c'est moi. J'ai compris. Deuxième fiche. L'autorité. Face au chaos, dans le désordre du monde, la France veut de l'autorité. La France a toujours aimé l'ordre. La patronne de la France, c'est Jeanne d'Arc. Pucelle, certes, mais en armure. Napoléon, évidemment. Et aux heures les plus noires de notre histoire, pendant l'invasion nazie, à qui fait-on appel ? Un maréchal. Donc, la France, c'est l'ordre. Et vous êtes le parti de l'ordre. Et en cela, vous êtes le digne successeur... Du général. CQFD. Bon, ok, très bien. Fiche 2, l'autorité. Troisième fiche. Le ni droite ni gauche, monsieur le président. Très bien, ça. Ça marche toujours. C'est comme dans les petits villages, les maires sans étiquette. Tout le monde sait qu'ils sont de droite, mais... L'argumentaire, monsieur le président, c'est de dire que, à l'instar du général, vous êtes au-dessus des partis. Oui, mais non. Parce que sa machine, là, Charlie, elle aussi, elle est au-dessus des partis. C'est un ordinateur, c'est un super gestionnaire, il n'est pas partisan. Je suis pas sûr qu'il faille aller le chercher sur ce terrain. Mais c'est là qu'on en revient, monsieur le président, à la première fiche qui évoque l'incarnation, le corps du roi. Vous incarnez, au sens propre, le ni droite ni gauche. Moi, j'incarne le... Je l'incarne, c'est-à-dire... Ce Charlie, certes, n'est ni de droite ni de gauche, mais c'est virtuel pour lui. Ce ne sont que des concepts. Alors que le général de Gaulle, à l'issue de la guerre, il était physiquement pris en étau entre les communistes d'un côté, qui étaient armés, et l'extrême droite de l'autre côté, avec l'OAS qui essayait carrément de le tuer. Ça, c'est de Gaulle perso. À titre personnel, c'était un héros. Mais moi... Mais vous, c'est pareil. Le général et vous, même combat. Le ni droite ni gauche, monsieur le président, vous le vivez tous les jours, dans votre chair. Gouverner, ce n'est pas être aimé. Je dirais même, c'est n'être pas aimé. Et une grande, très grande majorité de Français vous détestent. C'est vrai. Certains vous haïssent. La plupart, chérie, la plupart. Oui, c'est vrai. Gouverner, ce n'est pas être aimé, c'est assumer. Et en ça, vous êtes profondément gaullien. Mais oui. Et toi ? T'es encore plus fort que le général, mon chéri. Parce que non seulement la droite te déteste, non seulement la gauche te déteste, non seulement toute l'opinion est contre toi, mais la preuve que t'es un excellent dirigeant, c'est que t'as aussi réussi à te mettre à dos les syndicats, le patronat et tous les parlementaires. Bonsoir à tous et bienvenue dans les studios de Babel Tower pour notre grand débat. Le premier tour de notre concours s'est révélé infructueux. Comme vous le savez déjà, l'analyse algorithmique des discours et prise de position de l'ensemble des candidats à la présidence de la République a démontré qu'aucun d'entre eux n'approchait, ni de près ni de loin, les critères de comparaison avec le général. Notre débat de ce soir opposera donc le président Jourdain. Bonsoir, monsieur le président. Bonsoir. À Charlie, l'intelligence artificielle développée par Babel Tower, dont c'est la première apparition publique. Bonsoir, Charlie. Bonsoir, professeur. Bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur Jourdain. Puisque notre débat porte sur l'héritage du gaullisme, je vais poser ma première question à Charlie. Charlie, comment définirais-tu le gaullisme ? Le gaullisme est une pensée politique. Le gaullisme est un mouvement conservateur qui se fonde sur le respect des libertés individuelles et des institutions. Il s'attache également à la préservation de l'identité française et l'indépendance de la France. De plus, l'héritage de De Gaulle inclut le recours à la défense de la France et de son unité, le maintien de bonnes relations avec les autres grandes nations et la protection de l'environnement. D'autres aspects du gaullisme peuvent être retrouvés dans l'approche multilatéraliste de la diplomatie française et dans le développement technologique. Impressionnant. Et vous, monsieur le président, votre définition du gaullisme ? Être gaulliste, c'est n'être ni de droite ni de gauche. Je ne vous ai pas compris. Veuillez répéter. Je voudrais d'abord dire que le gaullisme est avant tout affaire d'autorité et d'incarnation. Et d'incarnation de l'autorité. Le pays est désormais en proie à un chaos permanent, malgré le fonctionnement normal de nos institutions. Qui aurait pu prédire que des lois votées en respectant toutes les règles de notre Constitution suscitent des protestations, voire des réactions violentes ? Je ne vous ai pas compris. Quelle est votre définition du gaullisme ? Je crois que Charlie ne va pas se contenter de réponses floues. Le gaullisme, c'est assumer... Excusez-moi, je pourrais avoir un verre d'eau. Le gaullisme, c'est ne pas être aimé. Je ne vous ai pas compris. Moi non plus, je dois dire. Qu'est-ce que le gaullisme, monsieur le président ? C'est n'être ni OAS, ni communiste. Certes, mais... Je voudrais dire à nos compatriotes qu'on a reçu un coup de pied au derrière, mais que c'est pas parce que vous voulez renverser la table que vous descendez de la voiture dont vous vous abstenez de choisir le chauffeur. Pardon ? Je ne vous ai pas compris. Je suis gaulliste, car les Français ne m'aiment pas. Et moi non plus. Les Français me haïssent. Je ne vous ai pas Pardon compris. Je ne suis ni de droite, ni de gauche, ni du centre. Je ne vous ai Mais pas compris. Mais concrètement ? Concrètement, je vais proposer une réforme de l'école, obligeant tous les élèves à devenir ambidextres. Tous les Français devront apprendre à écrire aussi bien de la main droite que de la main gauche. Je ne vous Ça ai va, pas compris. Monsieur le Président ? Moi, Président, je décrète... qu'à compter de demain, les voitures rouleront à droite les jours pairs et à gauche les jours impairs. Parce que nous sommes en guerre. Parce que la République, c'est moi. Parce que... Je ne vous ai pas compris. Le président vient de faire un malaise. Mesdames et messieurs, il va falloir rendre l'antenne. Ce n'est pas ce soir que pourra avoir lieu notre débat, ni le vote des spectateurs, pour notre concours « Qui est Charlie ?». Impossible de dire ce soir qui pourra remplacer le général de Gaulle. Je ne vous ai pas compris, professeur. Dans un mail adressé à l'ensemble des personnels de Babel Tower, vous avez indiqué pouvoir remplacer le général de Gaulle en procédant à son clonage. Quoi ? Mais pas du tout ! Je ne vous ai pas compris, professeur. Vous avez écrit avoir procédé à ce clonage grâce à un prélèvement osseux effectué sur le cadavre du général de Gaulle au cimetière de Colombey-les-Deux-Églises. Ne dis pas n'importe quoi, Charlie ! Vous avez également indiqué que vous étiez prêt à incarner vous-même le général. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Et appeler un médecin pour le président ? Dans un enregistrement, professeur, vous avez dit... Et il suffit que vous lisiez une seule phrase, un peu longue, bien dans le micro. Ah oui. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oui. Faire de Charlie un être supérieur qui aurait ma voix, les intelligences combinées du général de Gaulle. Mais enfin, c'est quoi ? Le meilleur de la science et le meilleur de la politique. Ah, tu m'as espionné ! Charlie, la fusion du professeur Latour et du général de Gaulle. Bon, arrête ça, Charlie ! Le général Latour... Mais Charlie, Charlie doit rester Arrête contrôle, il doit rester C'est un ordre créature. Coupez Antoine, coupez-moi ça. Coupez. Coup. C'est là. De nuit, je me rendais pas compte. Elle est magnifique, cette tombe. Tellement simple. Charles de Gaulle, 1890-1970. Yvonne de Gaulle, née Vendroux, 1900-1979. Vendroux comme... Oui. C'est son neveu, je crois. Ah, oui. Et Anne de Gaulle, 1928-1948. 20 ans. Le grand drame du général. Et son grand amour. Bon, vas-y, pose les fleurs. Mon général, Monsieur de Gaulle. Attends, tu vas vraiment lui parler, là ? Il est mort depuis un demi-siècle, mais tout le monde le fait parler. Je vois pas pourquoi il pourrait pas nous entendre. Ok. Monsieur de Gaulle, Madame de Gaulle, Anne, Antoine et moi voulions venir vous offrir ces quelques fleurs. On avait d'abord pensé à planter un bégonia ou un petit arbre, mais on s'est dit que si on entrait dans le cimetière avec une Écoute, Antoine, laisse-moi faire, ça sera mieux, je te jure. Ok, pardon. Ces quelques fleurs, donc, pour vous. Moins pour rendre hommage au grand homme que vous étiez, mon général, que pour vous présenter nos plus humbles et sincères excuses après la profanation que nous avons commise. Je ne sais pas si vous suivez les informations là où vous êtes, mais le professeur Latour a été condamné pour profanation et pratique illégale de la médecine, son entreprise fermée, et Antoine et moi sommes convoqués dans quelques semaines devant la justice. Et nous ne chercherons pas à échapper à notre sanction. Oui, en même temps, c'était ton idée, hein, au départ. Hein. Enfin, pardon, je me tais. Pardon. Voilà. On vous laisse tranquille, en famille. Et on espère que désormais, tout le monde vous laissera reposer en paix. Mon général, je sais pas si ça vous intéresse, mais il y a une nouvelle élection présidentielle qui va être organisée. Antoine. Deux secondes. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de parler au général de Gaulle. Alors, il y a une nouvelle élection, mon général, parce que le président Jourdain, pendant le débat, il a fait un malaise. Il a fait un AVC. Le pauvre, il est devenu hémiplégique. Il n'y a plus que la partie droite de son corps qui bouge. Maintenant, il est ni de gauche, ni de gauche. Antoine. Donc, on va devoir revoter, et évidemment, tous les candidats se réclament de vous. Alors, si vous pouviez envoyer un signe, hein, soit pour désigner un héritier, une fois pour toutes, soit pour leur dire de se taire... Antoine c'est... Bon, au revoir, mon général. Et encore désolé, hein. Au revoir, madame. Mademoiselle. Bon, Antoine, on y va, tu vas pas emmerder le général, toi aussi, avec l'actu politique. Peut-être que ça l'intéresse. Il doit s'ennuyer, là où il est. Ça va l'intéresser, une présidentielle. C'est pas une présidentielle qu'il faudrait, c'est un changement de constitution. Ça, c'est pas de mal à venir. Et tu crois qu'il nous a entendu ? Qui ? Le général ? Je vous ai compris ! Le grand Charles attend. De François Perrache. Avec Gilles Privat, Marie-Christine Horry, Jean-Haut Cotterel, Martine Chambachère, Christophe Brault, François de Brouwer, Constance Dolé et Anaïs Muller. Bruitage Sophie Bissens. Documentation et archives Claire Tesser, Rebecca de Nantes. Coordination Christophe Barrère. Prise de son, montage et mixage, Bruno Mourlan, Pierre-Henri, Titouan Oex et Léonide Makoff. Assistant à la réalisation, Pablo Valero et Eleonora Farad. Réalisation, Cédric Ossir. Affaires sensibles sur France Inter.